Et savez-vous ce que c'est au juste que la carotte qui vient de moi? Comme ça? Non. Je ne le sais pas. Mais bien non. La carotte, c'est d'extirper par l'esprit. Et jusqu'au sang. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Arthur ? Huitièmement, l'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre. Ils sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit.